dans ces rues tranquilles. Une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, and McKenna. We are hordes. We are young. We are America. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Regarde les parties se train, comme on voit revenir les chagrins. J'aurais usé toutes mes âmes, bien sûr tu retiendras tes larmes. D'acheter à la mer tant de bouteilles, je les ai laissées se perdre entre abysses et ciel. J'aurais dû lire tous leurs messages avant qu'elles s'échouent sous d'autres rivages. Y'a notre histoire qui trébuche sur les traverses des rails. Entre ici et les dieux, t'étais mon fidèle. Je prendrai une route vers d'autres rêves loin de tes doutes. J'y trouverai ce que j'espère. Y'a bien des oasis au milieu de déserts. Il me restera toutes ces nuits, leurs heures qui s'étirent qu'on maudit. Lui clôt subtil procès de ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai défait. Y'a notre histoire qui trébuche sur les traverses des rails. Entre ici et les dieux, t'étais mon fils d'Ariel. Y'a notre histoire qui trébuche sur les traverses des rails. Ton adieu ouvrira l'entaille. Passagère du train des espoirs, comptera le blanc, le noir. Ce qui te reste de nous deux, avant de détourner tes yeux. Y'a notre histoire qui trébuche sur les traverses des rails. Entre ici les dieux, t'étais mon filarien. Oh, ton adieu. commencera toujours par un coup de téléphone, un message sur ton répondeur, une personne à ta porte. La nouvelle vient de tomber, ton monde va s'effondrer. Une larme le long de ta joue commence à couler, et ton cœur se remplit de peine et de douleur. Tu n'y crois pas, tu réfléchis, tu lui parlais tout à l'heure. Sois le fort, résiste, la douleur s'effacera. Sois fort, résiste, ton âme t'accompagnera. Sois fort, résiste, nous restons ici-bas. Sois fort, résiste, que nous ne voulions pas. Le sais, le plus dur va arriver. Tu vas devoir rappeler tes proches et leur expliquer. L'enterrement se profile pour un dernier au revoir. Il va falloir rester debout après son départ. Et ton cœur se remplit de peine et de douleur. Tu ne crois pas, tu réfléchis, tu lui parlais tout à l'heure. La douleur s'effacera. Sois fort, résiste, son âme t'accompagnera. Sois fort, résiste, nous restons ici-bas. Sois fort, résiste, le voulions ou proche ou parent perdu. Mais il faut se faire à l'idée qu'on ne les reverra plus. Sois fort, résiste, la douleur s'effacera. Sois fort, résiste, son âme t'accompagnera. Sois fort, résiste, nous restons ici-bas. Sois fort, résiste. Sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, sois fort, résiste, vous nous écoutez, surtout ne touchez à rien, vous êtes sur la bonne fréquence, 96.2 MHz sur Radio Arc-en-Ciel, donc sur Orléans, et vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde, hein, mais vraiment partout dans le monde, hein. Je pense que même en Russie vous pouvez sûrement nous écouter, même si les médias sont un petit peu bloqués par là, hein, je sais pas, mais bon, en attendant, c'est sur radio-arc-en-ciel.fr, et donc on va écouter plein de bonnes musiques, c'est pour ça que vous êtes sur la bonne fréquence. On a commencé cette émission avec les Red Daff, avec un morceau qui s'appelle Faune. Juste après, c'était notre ami Manu Lorca, notre histoire des rails, les No More Back, à l'instant avec Sois Fort, un titre qui nous avait interprété une première fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui a été plusieurs fois réorchestré. Et puis donc à chaque fois, c'est toujours du bonheur de écouter ces groupes-là. Alors les groupes qu'on vient de citer, bah, c'est les groupes qui sont déjà venus dans l'émission Mavrika, et il y en a certains aussi qu'on va écouter ce soir. Soit on les découvre, ou soit ils viendront très prochainement dans l'émission Mavrika. C'est un peu le style, hein. Alors habituellement, il y a toujours des invités. La semaine dernière, justement, pour l'émission numéro 521. Voilà, aujourd'hui, c'est la 522. Donc forcément, on enlève un et puis on tombe sur 521. C'était le groupe Duke qui était venu au complet. Donc ils étaient venus là. Vous avez pu voir peut-être les photos de l'émission, parce qu'on on aime bien prendre des photos, on aime bien prendre des souvenirs. Et comme à chaque fois, c'est des moments de bonheur. Et c'est pour ça qu'on veut conserver des traces de tous ces moments-là. Donc la semaine prochaine, je vais tâcher d'avoir un groupe, parce que bon, ça c'est pas fait pour cette semaine, je vous avais promis pourtant qu'il y en aurait, mais c'est pas un souci. Vous savez, je peux vous faire des milliers d'émissions avec tous les artistes qui sont passés ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et ceux que je découvre au fur et à mesure en chaque semaine, tout simplement parce qu'on en a énormément, il nous laisse beaucoup de bonnes matières, de bons morceaux. Alors souvent les artistes me disent, voilà, t'as pas le temps de t'as pas diffusé notre groupe depuis que certains temps. Je dis bah oui, mais j'aimerais bien, mais tout le monde me dit ça. Le problème, c'est que j'ai 3 heures d'émission par semaine, et donc ça devient un petit peu compliqué de passer tout le monde, mais au fur et à mesure, je tiens compte, hein, de ce qu'on me dit, hein, de toute façon. Dès que je vois que les gens qui se manifestent, bah, ils font partie de groupe, j'aime bien aussi leur passer un petit morceau pour dire, je pense à vous aussi. Voilà, ça nous fait plaisir. Alors, vous êtes dans l'émission Mavrika. Alors, ce soir, habituellement, je parle beaucoup, hein. Cette fois-ci, je vais essayer de parler le moins possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'invité, donc je ne vais pas parler tout seul. Je peux m'adresser à vous pour vous citer les titres, c'est ce que je vais vous faire. Et puis tout à l'heure, je vais faire intervenir quand même quelqu'un juste après, hein, parce que bon, c'est bien aussi, j'aime bien discuter avec les gens dans l'émission Mavrika. Et donc après, je vous laisse avec les Burning Head, un morceau qui s'appelle All Set to Blow. Alors, ensuite, ça sera les Shaking Mets avec Rock and Roll, Jesus Westkay avec un morceau dont je connais pas le nom. Donc de toute façon, ils vont venir dans les studios Radio Arc-en-Ciel, ça je peux vous le dire, c'est certain. On va caler une date et nous dirons justement le nom de ce morceau que je passe assez régulièrement. Et on continuera aussi avec les RNCs avec You Can Shake. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. C'était donc les Shaky Metz avec le célèbre morceau repris des Led Zeppelin, Rock and Roll. Voilà. Alors je vous avais dit que j'avais pas d'invité dans l'émission Mavrika, mais habituellement on a pris l'habitude de faire un passage d'antenne. Je parle un petit peu dans l'émission de Manuel qui est juste avant la mienne. Et cette fois-ci, je me suis dit tiens, je prends l'antenne et c'est lui qui va venir parler avec nous. Salut Manuel. Il nous entend pas. Manuel. Non, je pense qu'il n'a pas dû brancher son casque. Bon, on va essayer de discuter avec lui tout à l'heure. Alors là, c'est le gag parce qu'on est en train de se préparer depuis tout à l'heure. Et puis là... Tu m'entends, Manu? Ah bah oui. Faut monter le volume. Encore, on est en train de se préparer. On attendait la fin du morceau et tout ça. Et puis au moment de parler, Manuel m'entendait pas. Voilà, c'est... On parle avec des signes. On parle avec des signes. Voilà. Bonsoir Albino. Salut Manuel. Ça va toi? Comment tu vas? Bah, ça va, impeccable. Bah, justement, on s'est dit tiens, on va intervenir un petit peu dans mon émission cette aujourd'hui, fois-ci. Aujourd'hui, voilà, c'est moi qui présente ton émission. C'est moi qui vais te poser quelques petites questions. Ah bon? J'ai des questions. Dois répondre à des questions alors. Ouais. Non, tu sais. Donc, depuis, j'ai cité déjà pas mal de groupes hein, depuis le début de l'émission. Donc là, à l'instant, c'était les Shaky Metz, mais on en a écouté d'autres. On a écouté les Red Daft, Manu Lorca, les No More Back, beaucoup de groupes qu'on a, les Burning Heads qu'on a déjà reçus. Tous ces groupes-là, on les a reçus dans l'émission Mavrika. Jesus Whiskey, ça va pas tarder parce qu'on est en lien. Il suffit d'arrêter une date. Hein. D'autres personnes aussi. Là, j'arrive à très bientôt revenir. Ah, là, j'arrive. On connaît bien. Ils viennent régulièrement. Ils viennent régulièrement. Ils vont venir dans le courant du mois de novembre. Je commence à connaître tous ces noms-là, à force de les entendre et de les voir ici. Les RN6 aussi, je les ai reçus une fois, je les ai vus plusieurs fois en concert, et je sais qu'il y a eu de l'actualité, donc il va falloir que je les invite aussi. Et il y en a tout plein qui vont venir comme ça, donc plein de gens que j'ai rencontrés lors de concerts et tout ça. Et donc on écoute énormément de groupes. Alors aujourd'hui, comme j'avais personne, je me suis dit tiens, on va parler un petit peu avec Manuel. Alors toi, tu connais un petit peu les groupes, hein, parce que... Oui, de vue comme ça, et puis quelques noms, hein, voilà, je suis pas un spécialiste comme toi. Bah oui, moi je me suis orienté vers les artistes de la région. Toi, tu passes de la musique portugaise aussi. Oui, voilà, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui aiment la musique portugaise, surtout qui écoutent Radio Arc-en-Ciel. Je pense que toute la communauté portugaise ici, écoute. Après, tu as aussi toi de ton côté. C'est vrai que tu as certains auditeurs, voilà, qui ne sont pas du tout portugais d'ailleurs. Ouais, aussi. Et puis, c'est ce que je disais l'autre fois. Il faut un peu de tout, et c'est bien. Ce mélange de musique. C'est pas parce que voilà, on est portugais. C'est vrai que la plupart des musiques qui passent ici, c'est de la musique portugaise. Mais on a aussi quelques émissions, des émissions françaises, hein, voilà, surtout les après-midi, quoi. Et puis voilà, vendredi soir, c'est un peu plus spécial, et je trouve que c'est bien de varier, de pas que ça soit toujours la même chose. Bah, justement, on peut se vanter d'avoir parmi nos auditeurs des gens complètement différents, de voilà, qui écoutent plus du rock and roll, qui ont écouté plus cette émission, d'autres plus l'accordéon. Alors aujourd'hui, l'image de l'émission, je sais pas si tu as vu, c'était l'accordéon. Alors on m'a demandé, tu vas faire une spéciale accordéon. Je dis bah pas forcément. Moi, j'aime bien tous les instruments. On aurait pu mettre une guitare. On aurait pu mettre n'importe quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'accordéon, c'est un peu particulier. Ouais. Et tout simplement, ça vient du fait que j'ai fait des photos dernièrement d'un accordéoniste. Et j'ai voulu me servir de cette image-là pour faire l'affiche de ce soir. Voilà. Donc, ça a été repris. Et puis, par notre ami Georges, le webmaster qui. Oui. Donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu aussi de ce site internet de Radio Arc-en-Ciel. Bon, donc c'est pas moi qui suis le plus qualifié pour t'en parler, mais bon, je peux en parler un petit peu. Donc notre site internet, comme la plupart des gens ont vu, il a été mis à jour, on a tout refait. C'est une société hors d'ici qui nous l'a fait. Ouais, donc c'est des professionnels. Parce qu'avant, c'est nous qui le faisions avec des bouts de ficelle comme on pouvait. Voilà, on a fait faire la page, tout ça, mais c'était nous qui le gérait. Et bon, comme tu l'as connu, il n'y avait pas les gens adéquats, tout ça. En fin de compte, c'est tombé un petit peu à l'eau, quoi. Ouais, il y avait des gens qui suivaient un peu leur émission et d'autres pas du tout. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Donc là, on a une société extérieure qui nous a créé le site, un nouveau site d'ailleurs, qui a tout changé, qui est très bien. D'ailleurs, je sais que beaucoup de gens nous écoutent. Justement, par ce site, voilà. radio-arc-en-ciel.fr ou .com, les deux marchent. Hein. Les deux marchent. Et vous pouvez aller dessus, vous voyez tous les animateurs. Il y a nos photos. Émissions. Voilà, il y a nos photos. Si vous voulez savoir mettre une tête sur une émission, vous y allez. Ouais, vous tapez votre émission que vous aimez et vous voyez c'est qui l'animateur. Tous les animateurs ont leurs photos dessus. Donc voilà. On va devenir des stars grâce à, grâce à ce site. Donc ce site est géré par Georges Villa, je crois. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est Viala, je crois. Viala, un truc comme ça. Donc cette personne est au Portugal. Elle est au Portugal. Et son, son rôle à lui, maintenant qu'il nous a créé le site, tout ça, c'est de le mettre à jour. Régulièrement. Mais pour le mettre à jour, il a besoin d'informations. Georges Villela. Villela, voilà, exactement. Voilà, on a écorché son nom, excusez-moi. Ouais, voilà. Pour un portugais, c'est pas bien de. Pour deux portugais, c'est ouais, pas non, bien d'écorcher. Mais c'est vrai que je le connaissais pas. Et là, alors, là, on a commencé justement à rentrer en contact pour essayer de faire ça, donc avec tous les animateurs. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc alors, pour l'instant, c'est pas très illustré, mais ça va être de plus en plus alimenté. Et donc ça va aller mieux. Cette personne, on l'a mis en place. Ah si, ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on a commencé le projet. J'ai vu cette personne en personne l'année dernière au mois d'août, qui nous a expliqué un petit peu ce qu'il faisait. C'est un professionnel, hein. C'est quelqu'un qui est pro là-dessus. Et donc du coup, il nous a mis le site, tout ça. Ceux qui ont été le voir ont vu comme il est. Mais maintenant, faut l'alimenter. Faut l'alimenter. Et c'est quoi l'alimenter ? C'est-à-dire que nous, les animateurs. Faut qu'on lui envoie. D'ailleurs, vous avez une adresse maintenant. Ouais, parce qu'avant c'était un petit peu compliqué. Ça se faisait par mail. On recevait les mails, on les recevait pas. Voilà, ça se croisait. Alors maintenant, on a une discussion, tout simplement. Voilà. On a fait un groupe sur Facebook. Hein. C'est très simple. Ouais. On lui met les liens, il fait les trucs, il nous renvoie une fois que c'est fait, on valide et puis après c'est publié. Et après c'est publié aussi sur. Il y a aussi une page Radio Arc-en-Ciel officielle dans laquelle il y a justement les émissions. Après, nous aussi, on peut partager les affiches qu'il a fait sur d'autres sites ou des choses comme ça, quoi. Alors, ce qui est bien, par exemple, surtout toi, Albino, comme ça, quand tu reçois des invités, tout ça, à l'avance, tu le préviens, tu envoies le. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Travail. Donc, moi, j'ai l'habitude faire une affiche avec justement l'invité. Il y a tout dessus. Il y a l'émission de telle heure à telle heure, ou Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz, où est-ce qu'on peut l'écouter, etc., avec notre invité. Et là, je rajouterai un petit commentaire pour présenter notre invité. Et puis, après coup aussi, l'idée qu'on a, c'est aussi de republier. Par exemple, on va dire que la semaine prochaine, on va recevoir tel groupe. Et après que l'émission soit passée, je prends des photos qu'on repartagera aussi, donc un petit récapitulatif de l'émission pour montrer quelques photos et comment ça s'est passé, quoi. Et ce qui est bien aussi dans ce site, c'est que tous les événements de Radio Arc-en-Ciel sont dessus. Les gens, ils peuvent consulter. Alors, parce que nous, quand on fait des événements, on fait des publicités qu'on envoie sur nos ondes de la radio. Mais, normalement, là, le prochain bal qu'on va organiser, j'ai pas été voir, mais il devrait déjà être en place. Donc, les gens, ils peuvent aller chercher les informations sur ce site. Donc voilà, l'adresse, tu l'as dit tout à l'heure, tu la répéteras. Radio-arc-en-ciel, après vous mettez .fr ou .com, ça marche les deux. On a essayé, parce que au début, je sais plus lequel, parce que tellement on s'en fout un petit peu, parce que on tape l'un ou l'autre, ça marche. On se retrouve bien sur le... Ce que je trouve bien maintenant par rapport à l'ancien, c'est que l'ancien site, alors il y avait quelques photos d'animateurs, mais pas tout le monde. Que là, toutes les émissions, il y a les photos des animateurs. Ouais, d'ailleurs, il y a un célèbre photographe qui est venu faire les photos de tous les animateurs. Franchement, les photos sont magnifiques. Je crois qu'il s'appelait Albino à l'époque, le photographe qu'on a eu. D'ailleurs, c'est le photographe de la radio, hein. Voilà. Non, c'est vrai que effectivement, on m'avait demandé de faire les photos et donc les photos, je les avais fait. Bon, elles ont convenu justement à notre webmaster, Georges. T'as dû voir qu'il est très, très. Il a dit oui, c'est bon, impeccable. Donc, il est voulu à peu près tous pareils, prises de la même manière. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a convoqué tous les animateurs les uns derrière les autres. Il en manque quand même deux ou trois, je crois. Qui n'étaient peut-être pas là. Ouais, qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas pu venir à ce moment-là. Mais bon, à la limite, on peut tenir ça à jour, hein, puisque le compléter. C'est ça, il est là pour ça. Et dès que vous avez des infos sur vos émissions, sur vos événements, sur les gens que vous invitez, n'hésitez pas, vous avez le lien, vous lui invitez, et lui, il se fait un plaisir. D'ailleurs, c'est lui qui nous a reproché. Oui, il est demandeur. Il est demandeur, mais c'est tout à fait normal, parce que vous ne voyez pas, mais nous, on reçoit des mails sur la radio. Non, mais c'est bien. C'est juste un petit problème de communication. Ouais. Donc là, la mise en place de ce groupe, ça va nous permettre de faire les choses beaucoup plus vite. On est averti en temps et en heure, pile poil, quoi. Donc moi, par exemple, dès que j'ai la date et le nom des invités, je lui donnerai, comme ça, il pourra faire un truc à l'avance. Ça s'applique à tous les animateurs. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que même lui, il fait des recherches. C'est-à-dire que moi, je peux lui envoyer des photos d'un tel ou tel artiste, mais des fois, il va chercher des photos qu'il a trouvé ailleurs. Parce que forcément, les artistes que je reçois, il y a aussi des personnes qui sont très facilement trouvables sur Internet. Et donc, il publie des photos. Donc, voilà. Et je vous avoue que là, dernièrement, ces messages qu'il envoyait étaient un petit peu durs parce qu'il n'avait rien de notre part. On lui dit, on va lui donner un petit peu de travail. Et puis voilà. Alors, lui, il le met à jour tout le temps. Il est tout le temps. C'est lui qui le suit. C'est pour ça que je m'adresse à tous les animateurs. N'hésitez pas. Vous avez reçu un mail de la direction. Je pense que tout le monde a reçu. Voilà, quand vous préparez vos émissions, que vous avez des invités ou des événements, n'hésitez pas, des photos de vos émissions, envoyez-lui et lui se fera un plaisir de le mettre sur le site. Et même souvent de mettre sur votre page à vous. Oui, de... parce qu'après, il nous fait même des petites, comment dire, des affiches, des images, ouais, hein, des compositions qu'il fait et tout ça avec toutes les références de tout. Et nous, après, on peut aussi les partager. Hein. Il le fait en plusieurs formats qui nous permettent d'être partagés sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux aussi en même temps. Donc voilà, on a un bon outil là qui a été fait. Profitez-en. Servez-vous-en. Et ça s'adresse aussi à même aux gens qui sont pas à la radio, hein, qui veulent aller sur ce site pour écouter la radio, même pour l'écouter. Hein. Il y a un truc qu'on peut écouter en direct. C'est pour écouter, pour avoir les nouvelles aussi. Les informations, la météo, les choses comme ça. C'est un vrai site bien alimenté. Et là, par rapport à ce qu'on avait avant, franchement, ça a rien à voir. On voit bien que c'est fait avec du professionnalisme. Et ce qui manquait, c'est le suivi. Et c'était pas de la faute à lui. Parce que lui, il n'arrêtait pas de réclamer jusqu'à là où il a tapé un petit peu du poing de la table. Il a dit, moi, ça peut pas aller. Voilà, je vous fais un site, mais j'ai rien pour l'alimenter. Donc, dû à votre message que vous avez reçu, tous reçus les animateurs. Voilà. Donc, même sur la page Facebook de l'émission Mavrica, n'hésitez pas à faire un petit like ou m'envoyer un petit message si vous nous écoutez. Hein. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé. Vous pouvez voir l'image, justement. C'est Georges qui l'a fait. Une des images que j'ai partagées sur le mur de l'émission Mavrica. Voilà. D'autres choses à rajouter au niveau des événements sur Radio Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir bientôt des événements, non? Oui, alors voilà, on peut en parler là aussi. Ça c'est important. Alors moi j'en ai parlé un petit peu, on est en train de mettre la pub en place. Hein. On est en train de faire une pub, là, on espérait la mettre aujourd'hui, mais bon, il nous manque quelques petites pièces pour la mettre. Ça sera mis en ligne sous peu. Au moins, j'espérais ce week-end, mais donc à savoir que dans un mois, exactement dans 4 semaines, le 5 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise son grand bal de fin d'année, on va dire comme ça, hein, l'événement, avec les chanteurs, ils sont 4, hein, aux Immenses Verdades. Pour ceux qui connaissent pas, c'est différent des musiques de ce qu'on a actuellement, mais je vous avoue que depuis que je les passe, j'adore. Ouais, c'est vrai que j'avais écouté la dernière fois et tu m'as dit tu les connaissais. Je dis je connaissais pas, mais tu vois, on s'y intéresse. À force de les écouter, et j'ai été rechercher donc les titres les plus connus, c'est Yolanda, Isabelle. Et là, il y a des nouveaux, Tiam, des trucs comme ça. Donc, c'est la première fois que c'est une histoire d'amour, quand même, je crois qu'il... Ouais, c'est pas rythmé, je sais pas comment vous expliquer, parce que je suis pas un spécialiste de la musique, mais ça plaît. Ça plaît beaucoup. C'est entraînant, hein. J'avais écouté, c'est la musique où on peut danser facilement. On peut danser, donc, et puis alors, c'est pas la musique violente, rien, mais franchement, j'adore. Donc, c'est un groupe, ils sont 4, hein. Ils sont 4 chanteurs. Donc, ils seront là, c'est la première fois qu'ils viennent sur Orléans. Donc, c'est un événement, bien sûr, organisé par Radio Arc-en-Ciel. Ils seront là donc le 5 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc venez nombreux, réservez cette date-là pour le 5 novembre. Et pour nous faire danser, il y aura aussi le groupe Capanegre. Capanegre, qui ne connaît pas Capanegre dans la région? Oui, dans la région, voilà. Ils sont connus partout dans la France. Et c'est vraiment du professionnel. Parce que franchement, ils font du spectacle. Je les ai vus depuis pas mal d'années. Et à chaque fois, ils nous en mettent plus dans la vie. Parce qu'on se dit, voilà, on les connaît. Encore plus. Et ils travaillent énormément. Il faut voir le boulot qu'ils ont. Hein, je me rappelle de leur début quand ils chantaient. Ils ont toujours bien chanté, mais c'est le côté, qui t'en met un peu plein la vue. C'est leur... Ils ont les costumes, ils dansent, il y a plusieurs chanteurs qui interviennent l'un à la suite des autres. Des fois, ils chantent tous ensemble. Les musiciens sont simplement au top, c'est du pro. Moi, pour moi aussi, je les considère comme des pros. Non, franchement, et puis bon, tout le monde connaît notre ami Jérôme. Excuse-moi, je lui fais de la pub, mais bon, notre ami Jérôme qui est le chanteur et qui fait de la synthé. Donc Jérôme qui fait partie aussi de notre conseil de la radio. J'ai vu ce groupe aussi évoluer. Il y avait des musiciens qui étaient là à une certaine époque, sont partis, d'autres sont arrivés. Il y a eu pas mal de changements, mais il y a un suivi quand même. Les plus anciens, je veux pas dire de bêtises, ils sont 2, 3. Pour moi, c'est les plus anciens. C'est le gars à la synthé, la chanteuse. Et puis, à la basse, je crois, c'est Dominique, si je ne me trompe pas. c'est les plus anciens du groupe ou qui ont toujours été là. Voilà, c'est non, c'est ici quand on parle Kappa, Orléans, ils connaissent. Et il y a aussi plusieurs personnes aussi qui ont participé à ce groupe-là, qu'on retrouve aussi dans d'autres formations où ils font plus du rock ou des choses comme ça. Et comme quoi, voilà. Toi, je pense que c'est pas toi qui connaissais un de groupe de ce groupe-là qui est parti dans un autre groupe. J'en connais plusieurs qui ont joué dans ce groupe-là. Ouais. J'en connais plusieurs. Ouais. Au moins deux bassistes différents. Il ouais. Y a eu deux bassistes et un guitariste aussi qui fait d'ailleurs un groupe que un j'ai pas. Un guitariste, je sais qu'il y a un guitariste. C'est un Davide qui s'appelle son prénom, je me souviens. Ah, je sais pas. Et je connais pas après les autres noms, je les ai pas en tête. Mais effectivement, il y en a plusieurs qui ont été là-bas et même j'étais surpris parce que c'est des gens qui faisaient du rock, du métal, des choses comme ça et qui ont joué aussi là. Comme quoi, les musiciens, la musique quand on a envie de la jouer, on peut être musicien dans plusieurs styles différents. Hein, tout oui, à fait. Bien sûr. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je sais que ceux qui sont en place sont toujours excellents. Non. Il y a quand même un bon choix de musiciens. Oui, voilà. Puis ils ont vachement, ils ont beaucoup varié leur musique et ça. Mais ils font du show. C'est un groupe. Ils font du show. Ils font pas que de chanter. Voilà, ils font du show et ils sont capables de reprendre plein de morceaux parce que c'est beaucoup de reprises, énormément de reprises de tous les styles, de la musique latino, de la musique portugaise, de la musique espagnole. Parce que les gens sont un petit peu, voilà, ils disent les Portugais. Non, mais c'est très ouvert sur la musique latino, même sud-américaine et même espagnole, parce que nos frères à la côté, forcément, on a beaucoup de choses qui se ressemblent et plein de morceaux portugais qui ont été repris par l'espagnol, de morceaux espagnols repris par le portugais. Donc et eux, ils chantent aussi bien en espagnol qu'en portugais et même certains morceaux en français. Ouais. Voilà. Non, ils ont toute une variété de musique, ce qui fait que tu t'ennuies pas à les écouter. Quoi. C'est vraiment un groupe. Et de toute façon, tu parles avec n'importe qui de la région de Capanegre, tout le monde aime. Capanegre. Voilà, il faut retenir le nom. Donc ils seront là aussi. Alors voilà, le côté musique chanteur, ça sera aux îles Mans Verdades. Mm-hmm. Et puis voilà, pour faire danser le bal, ça sera Capanegre. Le 9 novembre. Le 5 novembre. Le 5 novembre, pardon. Le 5 novembre. C'est un samedi. À la salle des Montitions. Voilà, à Saint-Jean-de-Blanc, la salle que tout le monde connaît. Hein, on va mettre, je pense, c'est peut-être pas encore passé, il y aura des gens qui veulent acheter des tickets, vous savez, sur Internet, ça, comme on fait d'habitude, des préventes, il y aura ça qui sera mis en place. Mais bon, si les gens ils veulent des renseignements, ils peuvent nous appeler. D'ailleurs, il y a un numéro de téléphone que tout le monde connaît. Et en haut, Il y a plusieurs numéros de téléphone. Oui, la dernière fois, il faut que je vais le retrouver, celui où on peut réserver justement. Voilà, s'ils veulent appeler pour savoir comment que ça fonctionne, pour réserver le téléphone de l'administratif, c'est le 02 38 43 50 09. Voilà. Vous appelez ce numéro-là. Voilà, exactement, c'est ça. Le 02 38 43 50 09. Et ça, c'est l'administration. Et après, moi, ce que j'ai pu voir, j'ai assisté à plusieurs balles comme ça, organisées par Radio Arc-en-Ciel. Sur place, on peut souvent avoir les billets. Les billets, en général, ça s'achète sur place. Hein, les ça billets s'appelle sur place. Savoir qu'il va y avoir un prix pour tout le monde et les adhérents auront une remise, bien sûr. Ah oui, parce que si vous êtes adhérent de l'association IOTA il y aura une remise. Par contre, l'adhérent, il faut qu'il se présente avec sa carte à jour de cotisation. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il vienne avec la carte, oui, parce qu'il a une carte de 2021. Il n'a pas cotisé cette année, donc il n'est plus adhérent. Tout à fait. Donc les adhérents de la radio auront une petite ristourne à l'entrée, mais bien sûr sur présentation de la carte. Alors les balles portugais, en plus, à chaque fois, il y a à boire, il y a à manger. Alors, voilà. Donc il y a tout pour passer une bonne buvette, soirée. Même pour manger. On peut réserver des tables aussi. Donc il y a des tables, bien sûr. Alors souvent les tables. Alors il y en a qui appellent ceux qui viennent de loin pour réserver. Alors ceux qui sont de loin, des fois je fais un effort. Le problème des réservations des tables par téléphone, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi les tables, c'est moi qui m'en occupe des tables. Dans le passé, donc il y a des gens qui réservaient. Et moi, les gens, donc ils arrivaient à faire mesure, les gens qui arrivaient, ils demandaient des tables, donc je vendais les tables, tout ça. Et à un moment, j'avais plus de tables, mais j'en avais presque la moitié qui était déjà réservée. Et entre-temps, beaucoup de gens qui avaient réservé ne venaient pas. Moi, je refusais de vendre les tables aux personnes qui me demandaient parce qu'elles étaient réservées pour moi. Alors, ils étaient là et les tables sur et vous les avez réservées pour personne, beaucoup, c'est un peu dommage. Beaucoup de retours et de plaintes. Donc on a dit maintenant, non, les gens... Alors, on peut réserver, mais on les paye d'avance. Alors moi, souvent, c'est moi qui suis là-bas le samedi matin en train de mettre les tables. Les gens viennent me voir le matin. Ils viennent, et il y a les habitués qui viennent. Ils payent déjà, ils achètent leur entrée déjà, et ils achètent la table. Comme ça, quand ils arrivent le soir à 10h, 11h, ils n'ont pas s'inquiéter. Ah ouais, d'accord, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire dans la matinée, dans par exemple. Dans la matinée, je suis là-bas. Oui, les gens, beaucoup viennent là-bas sur place. Ils achètent déjà leur entrée là-bas, et puis leur table. voilà comment ça se passe les premiers venus. Mais par contre, elles sont payées. Après, s'ils viennent pas. Oui. C'est leur. Ouais, mais c'est quand même embêtant d'avoir des gens qui ont réservé, qui viennent pas finalement, et voilà. Et les tables qui auraient pu être offertes à d'autres personnes, finalement, on peut pas. Parce que, voilà, souvent on a du monde, et puis les tables, bon, si on met que des tables, il n'y a plus de piste pour danser. Bah ouais, parce que, donc, il y a des, les balles portugais ont aussi cette particularité, c'est qu'il y a des gens de tous les âges. Donc, il y a des gens qui veulent danser tout le temps, ils dansent tout le temps. Il y a des gens qui sont devant à regarder aussi les artistes. Et puis, il y a des gens qui aiment bien être assis. Donc, voilà. Moi, j'ai certains habitués que je connais. Vous mettez n'importe quel groupe, n'importe quelle musique, ils sont toujours là. Eux, mais voilà, par contre, ils dansent. C'est des fidèles. C'est danser. Ils viennent, ils m'ont dit une fois, nous, on vient, c'est pour danser. On s'en fout, le groupe, le chanteur, la musique. Mmh. On veut de la musique pour nous faire danser. Et ça, certaines personnes, c'est des habitués qui sont à tous nos bals, hein, tous nos bals, et ils viennent pour danser. C'est vrai. Après, bon, t'as les gens qui sont. Si tu me prends moi, par exemple, je suis plus le mec assis sur une chaise à regarder. Ouais, après, il en faut pour tous les goûts. Il y en a, ils vont plus assister à un concert, et d'autres, ils vont plus pour danser. Donc, il y a les deux, quoi. Là, je pense aussi, on sort de 2 années de Covid. On sort de. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup des gens, ils ont envie de sortir, quoi. Ils ont envie de sortir. Moi, j'ai vu cette année en vacances. C'était fou, hein. C'était fou dans les fêtes, et n'importe qui pourra le dire, hein. T'allais dans les fêtes, t'as l'impression que les gens, ça fait des années qu'ils n'avaient pas été à une fête, hein. Mm-hmm. Les gens, ils avaient envie de sortir, c'était. Ouais, ça se et comprend. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Bah, les gens, maintenant, on sort. Bah, le Covid est toujours là, hein. Faut pas l'oublier, hein. Ouais, il faut quand même faire attention, mais bon. Voilà, on vit avec. Il va falloir vivre avec, hein. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Et puis, avant, on avait aussi des grippes, des choses comme ça. Et quand il y avait des épidémies, on était un petit peu tous malades. Donc maintenant, on a non seulement la grippe, les petits rhumes et tout ça. Et en plus, le Covid. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas arrêter de vivre non plus. Mmh. Quoi, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, retenez bien cette date, le 5 novembre. À la salle de Montition à partir de 21h. Et vous avez déjà décidé du prix de l'entrée, non? Alors, je peux pas trop le dire encore parce que bon, les prix, c'est habituel. Si c'est pas officiel, c'est pas officiel encore. Mais bon, ça reste dans les prix habituels. C'est raisonnable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Radio Arc-en-Ciel a besoin de beaucoup de choses. Alors, des auditeurs, c'est première chose, mais aussi des adhérents, des gens qui nous permettent d'avoir un peu d'argent. Et les balles, c'est aussi une entrée d'argent. Pour l'association. Je voulais en parler. Il faut savoir une chose, que quand Radio Arc-en-Ciel organise un événement comme les 3 balles qu'on organise dans l'année, comme ça en salle, et notre grande fête de la Saint-Jean en air libre, tout cet argent qui rentre. Alors il faut savoir que bon, on dépense de l'argent pour organiser, hein, bien sûr. Tout à fait. Donc il faut déjà que ce soit rentabilisé. Il faut que ça soit rentabilisé. Voilà, mais tout cet argent qui vient là, elle va à la radio. Elle sert à acheter du matériel, à faire vivre la radio. Elle sert aussi à ce que quand vous allumez vos postes, et que ça arrive, hein, des fois, que vous allumez vos postes, mon émission n'est plus là. Pas parce que c'est en panne ni rien, mais on nous appelle, dit comme ça se fait qu'il n'y a pas. Il n'y a personne pour faire l'émission du tel jour, je suis habitué à l'écouter. Je dis écoutez, voilà, ça. Donc ça veut dire que les gens, ils écoutent la radio. Mmh. Ils écoutent la radio. Donc, mais une radio, pour faire tourner une radio comme celle-là, il y a des dépenses. Il y a des dépenses. Tout à fait. Donc, c'est une association. Tu connais un petit peu la maison, tu vois la salle technique, tout ça. Ça coûte très, très cher, tout ça. Donc, faut savoir que voilà, cet argent qui vient des événements, c'est pour ça aussi que souvent on donne pour les adhérents. L'argent des adhérents, comme je disais l'autre fois, c'est 20 euros par an. C'est pas grand chose pour vous. Pour nous, c'est beaucoup, nous. Bah cet argent-là, elle sert à maintenir, à faire vivre la radio. Donc, n'hésitez pas, devenez adhérent. Si vous aimez la radio, elle appartient à tout le monde. C'est pas à moi ou à. Voilà, les gens. Tout à fait. Et puis, les gens qui aujourd'hui sont en place au conseil, c'est des gens qui ont été élus. C'est des gens bénévoles et qui aujourd'hui font beaucoup de choses et demain il y aura besoin d'autres personnes à leur place et ainsi de suite. Il faut la faire évoluer. Il faut la faire vivre cette association parce qu'elle dure déjà depuis plus de 30 ans. Ah oui, plus de 30 ans. Donc, 35 ans à peu près. Donc cette association-là est vie. Il y a des gens qui l'ont mis en place, qui ont mis des sous de leur poche pour démarrer. Au début, il y a des gens qui ont mis de l'argent de leur poche. Ouais, pour la lancer et puis petit à petit avec les adhérents et tout ça. Donc il faut continuer à la faire vivre. Et une association ne vit pas si elle n'a pas d'adhérents. Donc il faut vraiment qu'on soit nombreux. Voilà. 20 euros, mais s'il y a 3 personnes, c'est pas la peine. Mais si on a 500, bah c'est autre chose. C'est ça qu'il faut voir. C'est nous, on regarde, s'il y a 500 personnes, pour nous, c'est C'est l'idéal, quoi. Et donc, cet argent-là est utilisé pour le fonctionnement de la radio. Parce qu'il y a beaucoup de choses à payer. Hein. Ah, bah, vous imaginez pas. De toute façon, les gens qui sont adhérents de la radio, il y a une assemblée une fois par an, qui se fait souvent au mois de décembre. Où tout est expliqué. Ah, tout est expliqué. Et là, tous les adhérents, les gens qui le souhaitent, ils posent des questions, ils voient tout. C'est clair et net. Hein. Et il y a tout expliqué. Où va l'argent? L'argent qui rentre ou l'argent va. Et à quoi ça a servi? Il faut savoir aussi que les gens qui sont au bal, les gens de l'association, qui sont là, alors vous les voyez, vous dites, bah, aucun, pas un centime ne va dans leur poche. Non, ils sont là bénévolement. Ce sont des bénévoles. Donc, c'est des gens qu'on peut remercier aussi parce qu'on peut être adhérent, on amène un petit peu d'argent et on peut être aussi bénévole et donner de son temps et donner de son travail, quoi. On remercie beaucoup nos bénévoles parce que sans eux, c'est pareil, on ne pourrait pas tout faire. Non, mais il y a une équipe qui est formidable, donc il faut quand même le dire. On a une équipe de 9 personnes. Au conseil, nous les neuf tout seuls, on peut pas organiser. Hein, c'est bien pas, sûr que non. Je sais pas, vous avez pas vu la fête, je sais pas si t'es venu à la fête de la Saint-Jean. Si t'étais là, si, j'étais là. Ouais. On avait émis de là-bas d'ailleurs. On avait essayé de faire nos interviews autant bien que mal. Ouais, on était juste à côté de la scène. C'est vrai que c'est pas le bon endroit. Alors, mais bon, non, il y a des choses qu'on va améliorer. D'année en année, on va améliorer. Je sais que, par exemple, au niveau de la caisse, tu sais, pour acheter la buvette, tout ça, la caisse, là, pour vendre, c'est voilà, il y a eu trop de queues. On va l'année prochaine, ça va être mieux fait. Tu vois, à chaque fois, on apprend de nos erreurs. De toute façon, on étudie, ça s'est bien passé, on voit les points qui sont bien déroulés, les points qui sont mal déroulés, vous en discutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour la prochaine fois, et ainsi de suite, ça va s'arranger depuis 2010. Non, c'est une radio, moi, j'y tiens à cœur, sur cette radio, ça fait quand même déjà pas mal d'années que j'y suis, et je peux te dire qu'au début, tu sais, moi, cette radio, quand j'ai commencé à l'écouter, voilà, c'était pas trop mon truc, mais en fin de compte, c'était, t'avais la nostalgie de ton pays. Et quand tu mettais la musique, t'allumais la radio, tu tombais. Ah, ça te. Il y avait les poils qui se redressaient. C'est la nostalgie du pays. Voilà, on a ça. Voilà, je pense que c'est valable pour tous les gens c'est de tout le monde. Monde voilà, mais c'est vrai que moi, par exemple, la musique folklorique et tout ça, c'est pas tellement mon truc. Ouais, mais quand j'écoute les tambours, et je reconnais le rythme, je dis ça, je peux pas me tromper. Ça, c'est de chez moi. Ça. C'est, ouais, c'est voilà, il y a des trucs. Donc voilà, c'est des choses. Voilà, ça fait partie de notre ADN, de notre identité. Donc voilà, votre façon. Pour aider la radio, c'est ça, c'est de participer à nos événements. Venez quand on fait des événements, venez à nos événements, nos balles, par exemple, et aussi devenez adhérent. Parlez-en autour de vous. Vous allez voir, c'est 20 euros. On vous remet une carte, un reçu. Mmh. Ah oui, tout est fait de manière très. Toi, t'es adhérent, je suis adhérent. Vous avez un reçu comme quoi vous avez payé, et puis vous avez votre carte que vous mettez votre photo dessus, vous la mettez pas, hein, c'est vous qui voyez. Et cette carte, voilà, quand on fait des balles comme ça, vous venez avec cette carte, vous la présentez, on vous fait une réduction. Mais c'est surtout le côté que vous aidez la radio. C'est surtout ce côté-là. Voilà, c'est ça. En participant, être adhérent, c'est aider la radio. On peut aussi lancer une petite annonce hein, s'il y a des animateurs qui veulent aussi faire des émissions. Je crois qu'il y a encore quelques créneaux vides. Je crois qu'on en a déjà deux qui sont. Alors c'est pareil, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je crois qu'il y a déjà deux personnes qui ont des créneaux qui vont les intéresser. Bien sûr, si vous voulez faire une émission, vous nous contactez. Vous venez avec un projet. Ouais, il faut un projet. Hein, pour un dire, projet voilà, je veux passer tel style de musique ou tel style de musique. On regarde le planning. Alors, on regarde les créneaux qui sont vides. Alors, des fois, on peut décaler un petit peu. Il y a certaines personnes qui peuvent décaler aussi un créneau que ça les intéresse. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, il y a un créneau qui est de 15h à 17h, mais la personne, elle veut venir à 16h, la personne d'après. On peut avancer si la personne avant, elle est d'accord. Oui, après, c'est un arrangement. Voilà, il y a un arrangement. Ouais, ouais. Donc, c'est surtout venir avec un projet, on en parle, et puis, s'il y a un créneau qui vous intéresse, voilà. C'est tout ça. C'est que des amateurs, hein. Tous les gens on est tous des bénévoles. On est bénévoles et amateurs. On n'a pas de grands spécialistes. Hein. Oui. Alors, moi, je vous avoue, moi-même, je fais une émission. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais j'ai remarqué si, à force de le faire, on prend de l'assurance. Moi, j'ai pas cette assurance-là. Pourquoi? Parce que tous les vendredis, quand je viens faire mon émission, j'en profite comme je fais partie du conseil. Pourquoi? Je crois que je fais de la technique. Je vais réparer un petit truc qui a mal fonctionné la semaine. On m'a envoyé un message. Ouais, tu t'occupes de la surveillance. Là, je te voyais tout à l'heure avec un écran d'ordinateur qui ne marchait plus. On a dû le changer. Voilà. Je reçois des rendez-vous. Je les mets là aussi. Voilà, le vendredi, c'est difficile pour moi. Pour ça, il faudrait que je vienne des jours dans la semaine. Mais heureusement, on a aussi des bons logiciels qui nous permettent de te libérer. C'est-à-dire que tu fais ton émission. Voilà, mais si tu n'es pas là, on t'appelle pendant ce temps-là. tu peux aussi te déplacer et puis laisser en automatique. Et donc, et tu le dis bien dans ton émission que bon, tu parles beaucoup ou tu parles un peu moins dans les émissions parce que simplement tu es dérangé de temps en temps. Voilà. Mais je te dis. Mais l'émission est toujours là et puis voilà, est toujours là, présente. Il y a toujours la musique, tout ça. Alors je sais qu'il y a des gens. Là actuellement, vous voyez, toi, je parle beaucoup là. Là, je parle beaucoup. Je parle pour les fois que je n'ai pas parlé. Ben voilà. Non, mais c'est aussi le fait qu'on soit deux. Donc il y a un dialogue. Et moi, quand je suis tout seul, je parle beaucoup moins aussi. Et quand j'ai des invités, je veux tout savoir. Donc c'est pour ça. Non, je te donne la parole. Tu parles à une personne. Quand tu es tout seul, tu parles à un micro. Tu as des gens de l'autre côté qui t'écoutent. Et moi, quand j'écoute la radio, j'aime bien justement quand il y a un dialogue aussi. Parce que quand c'est des phrases qui sont déjà, la personne a écrit les phrases, il va nous dire exactement ce qu'il a écrit. Moi, j'aime bien que ce soit le côté vivant où il y a un dialogue, les gens qui parlent l'un avec l'autre. Bon, c'est aussi le principe de mon émission à moi. Oui, mais oui, je suis pas le seul à le faire. Il faut le savoir, il y en a d'autres aussi. Oui, il y en a d'autres qui font d'autres des personnes hein, qui reçoivent régulièrement. Je voyais Francky qui disait Le matin. Francky qui connaît pas Francky, hein. 7h, 7h-9h. Lui, il reçoit des gens tout le temps. Alors lui, de tous les milieux, de tous les styles. Et en plus, il a dit voilà, depuis que je suis là, il a reçu plus de 400 personnes différentes. Ah ouais, oui. Je peux me vanter aussi dans mon émission de recevoir beaucoup de gens. Donc voilà, même des gens politiques. Hein, et ça c'est le soi, quand ça c'est le côté vivant de la radio, ouais, quoi. Ouais. Franchement. Non mais bon, Francky c'est déjà un petit habitué. Il est il est vraiment à l'aise. Hein. Toi aussi t'es à l'aise dans un micro. Hein. Moi je t'écoute des fois. Écoute, on essaie de faire ce qu'on veut, ce que je veux. Moi je dis, je suis le porte-parole, je suis le trait d'union entre les auditeurs et les artistes. Donc moi je reçois des artistes et je veux qu'ils s'expriment et on leur donne cette chance. Déjà mon chapeau à tous ces gens-là, à tous les animateurs qui font leurs émissions. Parce que je peux vous dire, pour le faire moi-même, il faut être courageux des fois, c'est pas évident. Hein. Je vous dis, c'est pas évident de parler devant un micro. Et comme moi, je parle pour moi, c'est vraiment pas évident de parler dans un micro. C'est évident pour personne, je pense. Hein. C'est vrai que je fais mon émission plus en français qu'en portugais. Je suis portugais, hein. Mais bon, c'est vrai que mon parler n'est pas tellement. Voilà, alors j'essaye de. Alors je m'excuse des fois si j'écorche un petit peu les noms des chanteurs, les titres des chanteurs. Mais bon, c'est peut-être aussi ce qui fait peut-être un peu le charme de l'émission, je sais pas. Bah ouais, moi des fois je me dis voilà, quand quelqu'un fait l'effort de parler une langue aussi bien en français qu'en portugais, moi je vois des fois des gens qui parlent en français très mal, mais ils font cet effort d'essayer de parler en français et je dis voilà, c'est bien. Donc il faut voilà, même s'ils le parlent mal, je préfère entendre quelqu'un parler mal mais faire l'effort plutôt que de me tourner la tête dire voilà, je te comprends pas. Non, moi j'aime bien justement, et des fois quand j'écoute le on a cette chance avec le portugais qui est une des langues les plus parlées du monde. On l'entend avec des accents de tous les pays. Et forcément, nous qui sommes en France, nous avons ce petit accent aussi. Et les gens du Portugal nous reconnaissent. Hein. Et pourtant, on est de là-bas, mais on a vécu ailleurs. Et on a aussi des... Ce matin, un petit exemple comme ça. Ce matin, j'étais dans un magasin, je vais pas citer le nom. Et puis, je parlais avec un vendeur. Et puis, d'un seul coup, on me tape sur l'épaule. Ah, je t'avais reconnu à la voix. C'est la même qu'à la radio, qui me dit. Je me suis retourné, en effet, c'était un collègue. Il me dit, je t'ai reconnu à la voix. La même. Pourtant, tu sais, je le vois rarement. Hein. Mmh. Mais il m'écoute. Bah oui. Il m'écoute, il a reconnu ma voix. Il dit, c'est ta voix qui m'a fait me retourner vers toi. Comme quoi, tu vois. Non, mais c'est. Parce que, encore une fois, cette radio, voilà, c'est votre radio, c'est la nôtre, elle est à tout le monde. Donc, si vous voulez l'aider, c'est ça. Participez à nos événements. Devenez adhérent. C'est pas la mer à boire, mais en gros. Donc voilà. Pour un an. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait quelques centimes par jour. L'avantage avec ça, je vous dis, c'est quand il y a les trois événements qu'on fait, il y a une petite réduction dans les entrées. Mais il y a aussi, on avait arrêté de faire à cause du Covid, mais une fois dans l'année, on fait une galette, la galette des rois, qui est offerte par la radio à tous les adhérents. Tous les adhérents, là, souvent c'est fin janvier, ils sont conviés là, dans notre salle à nous, parce qu'on a une petite salle aussi qu'on met en location. On a une salle des fêtes qu'on met en location. Et donc, une fois par an, c'est-à-dire pour la galette des rois, on offre la galette des rois à nos adhérents, souvent une petite musique comme ça. Bon, ça fait toujours plaisir, quoi. Mmh. Donc, voilà, savoir aussi que la radio arc-en-ciel a une salle de fête qu'on loue aussi. On loue la salle. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des événements, ils peuvent nous louer la salle. Il suffit de contacter le numéro qu'on a dit tout à l'heure. On va rappeler, le 02 38 43 50 09. Voilà. Donc, ils peuvent appeler et puis, ils peuvent louer la salle, donc, pour le samedi ou le dimanche, quoi. Ou même en semaine. Hein. Voilà, il y a plusieurs tarifs. Bon, donc, tu vois, tu dis on va parler 5 minutes et ça fait combien de temps qu'on est en train de discuter. On a parlé un petit peu, on a fait tout le tour de la radio. Non, mais c'est important de le dire parce que on se le dit entre nous, mais des fois par rapport aux auditeurs, on fait quelques annonces. Mais le fait d'en discuter comme ça, je trouve que c'est bien. Parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et disent tiens, c'est bizarre dans l'émission d'Albino aujourd'hui, il a un invité, il ne l'avait pas annoncé. Et c'est Manuel, donc, de l'émission précédente, l'émission juste avant, Descouverte. Ouais. Donc, tu fais cette émission déjà depuis pas mal de temps. On t'écoute. Moi, quand je viens, quand je viens en voiture, bah j'écoute, je dis Manu il est là, c'est bon, impeccable, donc tout fonctionne. Et puis bon, voilà, et après. Non, c'est une émission qui existait déjà du temps de Lionel. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés, et puis pour des raisons professionnelles, ils n'ont pas eu le temps, tout ça. Et ce créneau était vide, et puis bon, bah, c'est un créneau qui me correspondait. Alors au début je voulais pas parce que je suis pas quelqu'un de voilà, c'est pas mon truc. Tu disais la radio c'est ta passion et tout ça, mais animateur c'était pas ton truc. C'était et finalement tu t'y es mis, voilà. Et bon t'as été pris par le. Et puis voilà, par le virus. Un truc entraîne un autre. Et aussi un truc, je voulais remercier une personne aussi qu'on parle pas souvent et qu'on voit pas souvent, c'est Florent Amigo. Florent Amigo, tous les animateurs le connaissent. Ouais. D'ailleurs, il m'a envoyé un petit message tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de l'écouter. J'ai eu aussi de ses nouvelles parce voilà. que. Alors, c'est quelqu'un qui nous enregistre toutes nos émissions. Ouais. Et qui fait des podcasts. Des podcasts, voilà. C'est-à-dire qu'il les met sur un site et il nous envoie les liens et les liens, on les partage. Comme ça, si vous avez loupé une émission, alors, vous pouvez la réécouter un peu plus tard. J'avoue qu'il nous a enlevé beaucoup de travail parce qu'avant, certains animateurs me demandaient à moi ou à Christine. Parce que nous, nos émissions sont enregistrées aussi. Donc, il fallait qu'on aille faire des recherches de telle heure, enregistrer telle émission, la donner. C'était compliqué. Maintenant, depuis qu'il y a Florent, plus de problème. Florent, il les poste sur un site, sur le site que tout le monde connaît. Et vous allez chercher vos émissions. Par exemple, mon émission de tout à l'heure, je pense qu'au plus tard demain, je pense elle est sortie. Elle est sur le site. Ah oui, c'est très rapide. Hein. Donc, c'est très rapide. On le remercie parce que franchement, moi je dis souvent, moi dans l'émission Mavrika, maintenant je suis tout seul, hein, donc il faut le savoir. Peut-être j'aurai un assistant dans quelques temps, donc on va essayer de voir. Mais je suis demandeur. Hein, si quelqu'un est intéressé de venir assistant, moi ça m'aiderait aussi parce que comme je reçois des groupes et c'est pas évident. Pendant le Covid, on n'a pas tellement cherché parce qu'on s'est dit bon, on va limiter le nombre de personnes et tout ça. Maintenant, on relance un petit peu. J'ai le droit de recevoir des artistes. Donc après, pour l'accueil, pour prendre des photos, pour participer aussi, s'il veut faire des chroniques et tout ça. Donc un assistant serait bienvenu. Et actuellement, donc je suis tout seul, Albino tout seul. Et il y a Florent qui fait un peu partie de l'équipe. Voilà. Moi je tiens à le remercier parce que je vous dis, c'est une personne qui est dans l'ombre. Il est connu. La semaine dernière, je parlais avec Doug, il me disait, mais on le connaît. Ce qui est bien avec lui aussi, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute de la radio. Et dès qu'il y a un petit problème, paf. Il t'envoie un message, il t'appelle. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, dernièrement, on avait un petit souci sur l'Internet, que nous, à l'oreille, on n'entendait pas trop, on ne voyait pas. Il est attentif. Il nous a envoyé, il me dit, depuis un moment, il y a des micro-coupures, mes enregistrements, je n'arrive pas à les faire, ça se coupe, tout ça. Moi-même, j'avais l'image, moi, je n'ai pas vu des coupures, rien. Je me suis renseigné, j'ai été voir. En effet, depuis telle date, il y avait des micro-coupures. Donc, du coup, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je lui ai envoyé un message. Et il a suivi pendant pratiquement. Il m'a dit c'est nickel, maintenant ça marche bien. Voilà. Donc le rôle de Florent. Une oreille attentive. Et puis en plus il enregistre les podcasts de la maison et après il les poste. Donc finalement c'est beaucoup de travail qu'il fait. Hein, parce que j'imagine il fait ça pour mon émission, mais il fait ça pour toutes les émissions. Pour toutes les émissions. Toutes les émissions. N'importe quel podcast de l'émission, vous le recherchez, vous les trouvez sur le site internet. Non, il fait un travail fabuleux. Et d'ailleurs toute l'équipe le remercie pour ce qu'il fait. Donc on l'embrasse. Donc c'est un petit hommage. À Florent. Je sais que j'aime bien lui faire un petit coucou. Je pense que là, il doit nous écouter. Oui, il nous écoute et il nous a même dit de rien. Tu vois, en direct, il est là. Il est toujours présent. Il est là. Donc, merci Florent à toi. Et continue comme ça. Voilà, merci. Très bien. Et dernière chose, donc, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Manu. Pas rappeler, ça. L'anniversaire, c'est donc, bien, mais c'est. 25 ans. Oui, 25 ans. 25 ans. 25 bon, ans. Il faut dire quand même que pendant 10 ans, tu as fêté tes 24 ans, donc on va quand même passer à 25. Hein. Pendant 10 ans encore, je refête mes 25 ans. D'accord. Et oui, c'est mon jour d'anniversaire. Ça se termine, là. La journée se termine. Voilà. En tout cas, voilà, j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé un petit message, c'est gentil, c'est sympa. Je leur répondrai plus tard parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde, bien sûr. Moi, tu sais, moi, à un moment sur Facebook, il y avait aussi la date de naissance de l'émission et les gens croyaient que c'était mon anniversaire, donc ils me le souhaitaient. Je l'ai enlevé dernièrement. Oui, parce qu'ils pensaient que c'était ton anniversaire. Donc je l'ai enlevé parce que c'est vrai que il fallait que je réponde à tout le monde et moi j'aime bien répondre à tout le monde. C'était pas mon anniversaire. Par contre, mon anniversaire est passé il y a pas trop longtemps parce qu'on n'est pas finalement très éloigné. Donc c'était le 3 octobre et il y a que quelques personnes qui me connaissaient qui m'ont envoyé, dont notre amie Irène qui est aussi une des plus fidèles auditrices de l'émission Mavrika et de Radio Arc-en-Ciel dans l'ensemble. Oui, il y a longtemps qu'elle suit, surtout de l'émission. Depuis le début, depuis pratiquement les premières années, et elle écoute aussi d'autres émissions sur Radio Arc-en-Ciel. Donc je sais qu'elle est souvent connectée et on lui fait un petit coucou elle aussi. Voilà, donc ça c'est important. Un gros bisou et puis on lui souhaite un bon week-end aussi à elle. Donc tous ces gens-là, on les remercie. Ouais, parce qu'il y a des gens gens, des visages, mais après il y a tous les gens qui se manifestent pas forcément et qui nous écoutent depuis des années, et eux aussi on les remercie, ça c'est quelque chose. Ah non, mais moi des fois vous avez des gens, l'autre fois je sais pas si je l'ai dit à l'antenne, il y a une petite dame qui m'a appelé d'un certain âge, hein, voilà, qui m'appelle pour dans mon émission pour nous remercier. Alors pas me remercier, nous remercier. Mmh. Elle dit qu'elle écoute la radio tous les jours. Donc c'est une personne âgée qui a, voilà, qui doit être à la maison, et elle me dit. Je lui dis, mais vous êtes portugaise? Elle me dit, non, je suis française, je comprends rien aux paroles, mais j'adore la musique. Voilà. C'est sympa. Tiens, d'ailleurs, il y a Irène qui vient de nous faire un petit coucou, là. Tu vois, petit coucou, à chaque fois qu'on parle d'elle, elle nous écoute toujours et nous fait toujours un petit coucou comme ça, On l'embrasse très fort aussi, Irène. Et c'était son anniversaire, il y a quelques temps aussi, on l'avait, je lui avais fêté sur son Facebook de l'émission. De son Facebook à elle, personnel. En tout cas, moi, voilà, je remercie ces gens. Et continuez comme ça à appeler les animateurs, hein. Ça leur fait plaisir, hein, de vous entendre aussi. Voilà, les appeler pour les remercier pour cela, ça les encourage. J'ai des personnes qui m'appellent pratiquement à toutes les émissions, et franchement, et en plus je suis content parce que souvent c'est des artistes aussi de la région, des gens que j'ai reçus. Alors il y en a qui sont passés ici dans l'émission et puis après on perd plus ou moins contact parce qu'on les revoit plus. Mmh. Et il y en a d'autres qui reviennent régulièrement, et ça me fait plaisir. On a parlé tout à l'heure de la Jarry, et c'est vraiment un plaisir de les recevoir parce qu'habituellement ils viennent toujours au mois de décembre. Et là avec le Covid ça s'est pas fait, et là ils reviennent à nouveau. Donc comme la Jarry, puis il y en a d'autres, hein, que c'est des habitués de la radio. Il y en a d'autres, hein. Je sais que des fois je te je vais pas tous les citer, sinon j'en oubliais. Je vous connais, je dis tiens, il y a un an ou deux, ils étaient déjà là, toi. Moi, je reconnais des gens. Après, tu me demandes leur nom, je ne saurais pas leur dire. Mais ça prouve qu'ils ont aimé et qu'ils aiment la radio arc-en-ciel, quoi. Voilà, c'est pour qu'ils reviennent à chaque fois quand tu les appelles, c'est qu'ils sont contents de passer dans ton émission, quoi. Autre chose aussi, c'est que justement, moi, j'avais pris l'habitude au début d'appeler les gens. Et au bout d'un moment, notoriété oblige, c'était des gens qui me contactaient pour venir dans l'émission. Et là, après le Covid, c'est un petit peu de mal. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent venir, mais personne me propose. Donc c'est vrai que j'ai pas fait la démarche de demander aux gens qui voulaient venir de. Mais n'hésitez pas justement à me contacter par le Facebook. Je pense que c'est la manière la plus simple. Vous me contactez et puis on se cale une date, et il y a pas de souci. Hein. Voilà, ils peuvent aussi te contacter tous les vendredis à partir de 19h. Ouais. Tu as le numéro. Ils ont un numéro. Alors c'est le numéro que tu peux leur donner. Ouais, c'est le 02 38 43 48 00, vous pouvez m'appeler, et puis on. Ça, c'est la ligne des animateurs. Là, c'est pendant l'émission. Pendant l'émission, voilà, ils connaissent tes horaires. 19h, 22h. Ils peuvent te contacter directement ici, voilà. Mmh. Donc pendant ton émission. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire une superbe radio ici. Hein. Ah bah, y a c'est ça, pour ça que. Ça, tu l'as dit, tu vois. Voilà. Et il y en a qui le savent, mais alors tous ceux qui le savent pas, il faut leur faire découvrir aussi, donc ça c'est important. Et alors, faut savoir aussi, la radio est ouverte à tout le monde, hein. C'est les gens qui veulent venir visiter, il n'y a pas de soucis. Hein, alors, dans l'émission Mavrica, à un moment, tout le monde s'invitait, tout le monde venait ici, il y avait beaucoup de monde. Ouais, donc aujourd'hui, les gens ils disent, oui, mais on peut plus venir dans ton émission. C'est pas qu'on peut pas venir dans mon émission, c'est qu'il y a des règles qui sont comme ça. C'est-à-dire que moi, les gens que je veux recevoir, je suis obligé de demander une autorisation, ne serait-ce que pour les assurances et les choses comme ça. C'est ce que j'allais dire. Donc il faut savoir qui est dans le studio, s'il se passe quelque chose, s'il y a un accident, n'importe quoi. Donc on est obligé, mais c'est une demande que je fais, elle est faite officiellement, et une fois que les gens sont invités, ils viennent. Il n'y a eu aucun refus depuis quelques temps. Non, il n'y a pas de refus, simplement. Après, on limite le nombre de personnes, etc. Chaque animateur qui reçoit des invités doit faire une demande. Voilà. Pour se protéger eux-mêmes. Hein. C'est juste pour se protéger, hein. Tout simplement. Si n'importe quoi peut arriver. Bon, voilà. Et après, c'est vrai qu'on limite les personnes. On peut pas mettre ici 10-15 personnes en même temps parce que c'est pas fait pour. En plus, s'ils viennent, bon, si c'est des invités, on a 4-5 personnes qui peuvent venir en même temps pour parler. Oui, voilà. Il y a 5 micros, une ou deux personnes en plus au côté qui attendent, voilà. Mais puis après, bon, alors même si le studio il est un petit peu isolé, tout ça. Il faut savoir que voilà, on a aussi du voisinage. Des voisins, et on ne peut pas faire le bruit qu'on veut. On ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Alors, donc pour faire une émission, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Y a pas de Après, si on, voilà, quand il y a trop de monde qui vont dehors, tout ça, tu comprends, ça fait beaucoup. Oui, tout à fait. La règle, c'est surtout prévenir la direction de vos invités. Donc si vous voulez venir, vous me le dites, voilà. Je prends le nom des personnes, je dis tiens, tel groupe sera là, ils sont au nombre de 3, vous êtes au courant, et puis voilà, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a jamais eu de souci, donc il suffit de faire comme ça. Bien, hein. Et donc il ne faut pas hésiter à me contacter pour me dire voilà, je voudrais passer dans l'émission, et puis ça se fait comme ça. Très bien. Ok, bah écoute, Alvino, bah, je te remercie de m'avoir. Là, j'étais un peu surpris, là, tu vois. Et tu vois, tu me dis 5 minutes. Je pensais que c'était pour le passage d'antenne, non, parce qu'on l'avait pas fait au début. Ouais, mais voilà, en même temps, comme j'avais pas analysé, bah, ça fait plaisir de discuter. On a pu parler un petit peu de la radio et de l'événement. Il y a plein de choses qu'on dit entre nous, et on aimerait bien aussi que les auditeurs soient au courant de savoir qu'il y a une vraie équipe ici avec des gens qui s'entendent bien et qui essaient de faire pour le mieux. Alors, bon, il y en a certains qui sont sont plus impliqués que d'autres, mais ah, il y a une personne qui vient en plus, et puis on va lui donner la parole, parce que dans l'émission Mavrika, ça me fait toujours plaisir de discuter avec plein de personnes. Salut Christine. Comment ça va bien? Ah bah voilà, bah t'as bien fait de venir nous rejoindre, parce qu'on a parlé de Radio Arc-en-Ciel, du site. Je travaille et je vous écoute de l'autre côté. D'ailleurs, vont me perturber parce que j'arrive pas à me concentrer sur un dossier. La radio, ça perturbe tout le monde, ça on le sait bien. Donc je suis plus intéressée à vous écouter que me concentrer sur mon dossier qui est très important. Ouais, après on va te laisser travailler quand même. Mais là, je suis venue vous dire que bah les auditeurs, ils ont peut-être besoin d'un petit peu de musique. Tous les deux là. Les animateurs là. L'émission aujourd'hui devait être une émission musicale. Effectivement, j'ai prévu tout un programme, mais là, cette parenthèse-là valait vraiment la peine parce que c'est vrai. Très intéressant. Un animateur qui n'est pas très bavard en général, voilà. Nous sommes stupéfaits de sa participation. Voilà. Moi, quand je suis tout seul, une vraie carpe. Par contre, quand j'ai le monde en face, tu sais que beaucoup de gens sont venus dans l'émission, m'ont dit 3 heures d'émission, mais ça va être trop long, j'ai rien à dire. Et finalement, on passe à l'émission. Et à la fin, ils me disent, mais quelque part, j'étais avec toi dans ton émission, et je me suis pas rendu compte du temps qui passait, et j'ai dit des choses que je comptais même pas dire, mais simplement parce que j'étais bien dans l'émission, et voilà, on a l'impression d'être en famille, on discute ensemble, et en vérité, on a plein de milliers d'auditeurs qui nous écoutent. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, voilà, son invité, moi, aujourd'hui, voilà, invité du dernier moment. Ouais. Je meuble un petit peu, mais bon, j'ai pu parler, alors, on a parlé d'un autre sujet qui a rien à voir avec ça. On vous a entendu. On a parlé quand même de la radio. On en parle pas assez. Oui, c'est pour ça, c'est très important. L'association. C'est bien de dire le site. Voilà, il se pose des questions sur le site internet, qui est très très bien, et je demande aux gens d'aller le visiter, ce site-là, pour avoir les informations. C'est très bien conçu, tout à fait. Ouais, voilà. En tout cas, moi, je venais juste vous faire un petit coucou et bravo pour ton émission. Merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Un petit bonsoir à nos auditeurs de l'autre côté. Voilà. En tout cas, merci. Ciao. Albino, puis si je te revois, c'est vendredi prochain. Merci pour votre intervention, ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Merci à toi de nous avoir invités. Et comme ça anime cette émission, parce que passer que de la musique, c'est bien, mais bon, maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va passer tout le reste. Un petit peu de musique. C'est beaucoup de musique. D'ailleurs, on va au revoir à tout le monde et passer un bon week-end. Merci Manu. D'ailleurs, on va continuer avec un groupe que nous allons recevoir très bientôt, on va essayer de fixer la date. C'est un groupe qui s'appelle Jesus Whiskey, et on les aura bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc il y a un harmonica, plusieurs harmonicas, parce qu'on sait bien que les harmonicistes en ont plusieurs. Il y a une contrebasse et une guitare et un chanteur. Donc ils seront très bientôt ici, et juste après on écoute les RNCs avec You Can Shake. Nobody better than all my home. And ain't nobody La réparation du site, ça marche très bien. Donc, je suis très content parce que là, je peux faire des enregistrements impeccables. Merci, bonne soirée. Are you ready? Go find love, it's okay. regrettera très très longtemps en tout cas. Le groupe était venu dans l'émission Maureka, il s'agit de Infernal Flash Pep avec Derrière tes lunettes noires. Juste avant, on a écouté les Sugar Cane qui étaient chez nous il y a quelques mois, donc un groupe de blues qui était venu de Grenoble spécialement pour présenter leur travail. Sugar Cane avec This Is Love. On a écouté aussi des Customs, les Customs qui devaient faire partie du Maureka Live numéro 12 qui a été annulé à cause du Covid. Donc on va essayer de relancer et puis essayer de les inviter et puis même les inviter aussi pour une émission spéciale parce que c'est un des groupes qui est pas encore venu dans l'émission et pourtant il fait déjà partie de la Maureka's Family. On avait commencé cette série avec les RNCs avec You Can Shake. Vous êtes dans l'émission Maureka, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. On va écouter encore beaucoup de musique. Je vais interrompre le moins possible le programme et on va continuer avec le groupe Need qui était venu il y a quelque temps dans le studio de Radio Arc-en-Ciel et qui nous a présenté son travail et on va écouter un morceau qui s'appelle Silver End. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. questions still remain. What now? Motion in your brain. Petit séjour en bord de mer, je n'emporte que le nécessaire. Je vais passer la semaine au Nanterre, il ne me faut que peu d'affaires. 3 jours passés, il faut l'admettre, je n'ai plus grand chose à me mettre. Il faut maintenant que je m'active, il est grand temps de faire une lessive. Mon linge étendu. Il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche. Mon linge est étendu. Il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche. Ce soir je reçois quelques amis, il faut que ce soit réussi. Je prépare une salade bien garnie et un dessert tout petit flouti. De l'huile d'olive sur la planchette, je vais faire des gambas avec quoi. Dans le frigo je fouille. J'ai un reste de ratatouille. Ça y est, j'ai une idée. Y'a des blancs de sèche. Je vais les faire mariner. Tous ces blancs de sèche. Ça y est, j'ai une idée. Y'a des blancs de sèche. Je vais les faire mariner. Tous ces blancs de sèche. On sort ce soir après dîner, va falloir un peu se maquiller et puis surtout se recoiffer. J'étais un peu ébouriffé, mes ongles de pied ne sont pas potables à force de les traîner dans le sable. Pour ceux des mains, ce n'est pas mieux, je ne les trouve pas merveilleux. Je leur mets un peu de vernis qui sèche. C'est beaucoup plus joli, mais faut que ça sèche. Je leur mets un peu de vernis qui sèche. C'est beaucoup plus joli, mais faut que ça sèche. Petit séjour en bord de mer, je n'emporte que le nécessaire. J'ai passé la semaine au grand air, il ne me faut que peu d'affaires. Trois jours passés, il faut l'admettre, je n'ai plus grand chose à me mettre. Il faut maintenant que je m'active, il est grand temps de faire une lessive. Mon linge est étendu, il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche. Mon linge est étendu, il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche. Ma place, j'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Suis-je à ma place? Est-ce que quelqu'un se sent vraiment chez soi? Mais où est ma place? L'impression d'être un peu partout et nulle part. Est-on vraiment chez soi ici? Ouais, un peu partout j'irai. Chaque fois je cherche mon chemin. Et j'ai beau traîner la savate sur les routes chaque jour, oui je cherche un lendemain. Je cherche jusqu'au lever du jour. La nuit m'inspire et c'est là où on me perd. Et mon esprit se connecte à l'univers. Je vais, c'est ce qui m'attire. Ici je suis le créateur de mes plaisirs. Je suis quelque part. Je cherche ma place dans des mondes perdu. Je suis un égaré, artiste égaré. Avec le GPS des idées, mon instinct artistique c'est ma guidée. Poser ses valises vers son trou même si c'est dans le bitume. Hey, j'essaie de faire ma place comme tout le monde, j'essaie de faire pareil. Par la voix je suis guidé à l'endroit des idées. C'est mon créateur qui l'a décidé. Oui, mon créateur. On y est des milliers, le message est délivré. Et c'est déjà pas si mal, oui tu le sais. Oui, tu le sais, frérot. Yeah, cherche ma place. Je cherche ma place. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Suis-je à ma place? Est-ce que quelqu'un se sent vraiment chez soi? Mais où est ma place? L'impression d'être un peu partout et nulle part. Est-on vraiment chez soi ici? Ouais, un peu partout j'irai. Hey yo, Picsou, mendiant, côtoyant les riches. Tout le monde veut faire son beurre, même dans la triche. Eh ouais, pousse-toi, j'ai pas le temps. Ici c'est ma place, c'est trop d'une affaire. Frérot, j'ai pas qu'une affaire. Ce genre de discours qui me fait mal. Ce discours que j'entends tous les jours. Tous les jours c'est pareil. Elle est où ma place dans ce mouvement? Et je me demande où aller. Où aller? Ici, là, viens, par là. Peut-être en haut. Je sais pas. On verra. T'as vu? Yeah. Cherche ma place tout le temps. Avec lui. Avec elle. Avec eux. Vas-y, je fais mon truc, je m'en bats les couilles en fait. Je cherche ma place. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Suis-je à ma place? Est-ce que quelqu'un se sent vraiment chez soi? Mais où est ma place? L'impression d'être un peu partout et nulle part. Est-on vraiment chez soi ici? Ouais, un peu partout j'irai. Je cherche ma place. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Suis-je à ma place? Est-ce que quelqu'un se sent vraiment chez soi? Et où est ma place? L'impression d'être un peu partout et nulle part. Est-on vraiment chez soi ici? Ouais, un peu partout j'irai. Rest on my day. J'ai vu du bleu.

cœur a dans quelques temps ma bien-aimée. Mais n'oublie pas ta robe rosée, ma lune de sang est surprenante. Et notre amour était bien mort, une simple amante. Et quand vient l'heure de notre dernier quart d'heure, tes larmes de glace transpercent mon cœur. Allant quelque temps, ma bien-aimée, mais n'oublie pas ta robe rosée. Quand vient l'heure de notre dernière lueur, tes larmes coulent, mais ce n'est plus l'heure. Allant quelque temps, ma dulcinée, mais n'oublie pas ta robe rosée. J'espère que tout se passe bien chez vous. Vous écoutez l'émission Mavrika, c'est sur 96.2 MHz sur Radio Arc-en-Ciel et sur radio-arc-en-ciel.fr tout simplement. On a écouté les Infernal Flash Pep avec Derrière tes lunettes noires, Need avec Silver End, Prisma avec Rock Now, Duke qui sèche, Mousse qui était chez nous il y a quelques temps dans l'émission Mavrika pour l'émission spéciale de Yavanna, avec le morceau Ma Place. D'ailleurs Duke, ils étaient là la semaine dernière, hein, pour ceux qui ont suivi les événements de l'émission Mavrika. On a écouté aussi No Money Kids avec Shot the Master, Thomas Jamais avec Only Time We Tell, Les Qu'as-tu vu avec Dans tes yeux, David McLean avec Les gens gentils, Celtic Reich avec Medley Jig, 4h11 qu'on vient d'écouter à l'instant, donc un morceau qui a été enregistré dans l'émission Mavrika, et on continue avec les Chili Dogs, Let's Go to Moscow. We need more money to survive, more money, more vibes. We need more money to survive. Look at it, just facts. Black cars in the middle of the street. So who are you on it? Who are you calling it? We need more money to survive. More money, we all right. Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. Some say horrors lead to Rome. Jets tin on the bunker drums. Time exposure, hold down. Iron curtain, a Russian on the ground. No doubt about it, let's learn. Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. We'll be right back.

blague pas avec maman, ne blague pas avec maman, ne pète pas maman, ne pète pas maman, ne menace pas maman, ne menace pas maman, ne menace pas maman, ne teste pas maman, ne blague pas avec maman, ne teste pas maman. Now

innocent en prison, à qui profite autant de douleur? Ces gens-là n'ont-ils pas de cœur? Tout cela m'est insupportable, insupportable. Je veux me battre jour après jour et continuer de vivre. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Je veux me battre jour après jour. On a écouté She Dogs avec Let's Go to Moscow, les Uncle Biker avec Never Come Back, Dirty Charlie avec L'Or et le Sabre, Skawax avec Motherhood Syndicate, 100 Miles avec Skies on Fire, Alex Le Bail avec La Vie, et à l'instant c'est Lajari avec Marco D'Amour. On est encore ensemble pour quelques minutes, hein, profitez-en bien jusqu'à la fin, je vais essayer de vous mettre le maximum. Je ne pourrais pas diffuser tous les morceaux que j'avais prévus, mais bien on se donnera rendez-vous la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on va continuer après avec Neutral, My Heaven, Jekyll Wood avec Who You Are et Dérapade avec Sordid. Put your hands on the dance floor. If I feel a song, then we walk alone. Pain is still my mission, but I feel it's never lost. Hidden my soul in it, never stop playing with my heart. When blood is gone away, I'm crazy, but I trust. Hidden my soul in it, never stop playing. Yeah. Cette émission, j'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, on a diffusé le maximum de bonne musique avec les meilleurs artistes de la région orléanaise. Et d'ailleurs, en tout cas, la plupart sont passés dans l'émission Mavrica. On va encore en recevoir plein d'autres. On vous tiendra au courant au fur et à la mesure. Donc, je vais récapituler un petit peu les artistes qu'on a diffusés. On a écouté La Jarry avec Marc D'Amour, Neutol avec My Heaven, Jekyll Wood à l'instant. On écoute encore, on est encore sur ces quelques notes avec Who You Are. Juste après, on écoutera Dérapade avec Sordide, Orpheum Black avec Midnight, Yavanna avec Juste Chanter et Isa Mavesoon, je lisais le nom pour, j'espère que j'ai pas écorché, avec Poivre et Sel. Voilà, on arrive à la fin de cette émission Mavrica. C'était la 522e. La semaine prochaine, on se retrouve à même endroit, même heure, à partir de 19h jusqu'à 22h. Ensemble, on verra si on aura des invités en direct. En tout cas, de toute façon, l'émission, elle sera là. Il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis, je vais dire les phrases magiques, hein. Everything is gonna be alright. Que le rock and roll soit avec vous. Et, une vie sans musique serait une erreur. En tout cas, je vous souhaite souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi, donc, à partir de 19h, avec sûrement des invités. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans l'émission. Merci Irène, qui nous fait un petit coucou à la fin de l'émission. On lui fait une grosse bise. Et puis, merci à tous, hein, de nous écouter simplement. L'émission Mavrika se termine pour aujourd'hui. On a encore quelques morceaux à écouter. Et puis, on se retrouve très bientôt. On garde le contact. Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Qui pleure et tant de gens s'habituent. des gens qui tirent sur des cibles mouvantes. Est-ce le sang qui attire ou l'envie d'épouvante? Pas le choix, pas le choix de vivre avec ça. Car tu vois, sordide, mortel. We'll be right back.

Bon plan sortie, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur.